tout ça pour ça? Épisode 2. Les Flexoglous sont des extraterrestres très prévoyants, et c'est peut-être l'élément qui nous permet d'expliquer véritablement le succès de leur campagne expansionniste à travers les galaxies. Mais alors que font-ils de si spécial? Simplement, avant d'envahir une planète, ils l'étudient très précisément, avec un zèle qui rend fier leur boss. Le grand empereur Xili met en effet un point d'honneur à ce qu'un exposé soit fait pour chaque sujet d'étude de la planète à envahir. Évidemment, cela représente des millions de sujets d'étude. Ces exposés sont retransmis dans tous les vaisseaux de la flotte Flexogloon et ils sont consultables par la suite en podcast pour les citoyens qui n'avaient pas pu y assister pour raison de santé. C'est donc pour eux une véritable institution et chaque Flexogloo prend son rôle très au sérieux. Le processus pouvait alors prendre des jours, des mois, voire des années interminables pour les planètes complexes, mais c'était indispensable pour garantir le succès des opérations. Forcément, et nous pourrons tous être d'accord là-dessus, tous les sujets ne se valent pas. Et pour éviter les injustices, les sujets sont justement distribués au hasard. Cela n'empêche malheureusement pas les coups du sort. Des tensions étaient même apparues entre deux amis, Frug et Strack. En un mot commençant, Frug se tapait toujours les sujets pourris, alors que Strack était bien mieux loti. La perspective d'attaque de la planète Terre annonçait donc l'arrivée d'un nouveau sujet d'étude. Les deux compères se réunissaient pour découvrir celui qui leur avait été attribué. Et là, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de la patience de Frug. À mesure qu'il prit connaissance de son courrier et de celui de Strack, il poussa un rugissement aigu, échappement enfin visible de toute cette rage contenue trop longtemps. Aveuglé par sa colère, il fonça vers le bureau de l'empereur, renversant sur son passage tous les systèmes de sécurité mis en place. Une fois arrivé sur le seuil de la porte, il s'écria « Mais c'est pas possible ça! Encore un sujet à la con! Mais enfin, regardez! Strack, il est aristocrate, moi les couilles !»